DJ Oscana, mixant live. Away, 'cause it's harder if you hold on. I say, are we, are we, are we? your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. We'll do what we want and we'll give what we need. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens.

toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où où cette life m'amène. Je disais toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up, no. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où où cette life m'amène. Je disais toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up, no. Jamais loin si tu te sens tout seul. Pourrais te regarder danser tout en un. C'était dans le cœur, il faut que je pape une autre tête. Je me sens encore un peu plus en apesanteur. J'ai bloqué dans le night, j'ai bloqué dans le mal. J'suis seul, ma zik, ma mal. On voit sans qu'elles sont dans les mal. J'ai bloqué dans le night, j'ai bloqué dans le mal. Changer mon bruit sans pas le mal. J'me casse moi, j'me tue dans les mal. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où pour cette life m'amène. Je disais toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. sun meets the moon, where all our differences fall away, like stars from space, where rhythm and life are one and the same. Follow me into tomorrow, where all that exists is time and space, in the anticipation of a brand new day, for us to sing, laugh, dance, and play. Feeling. pop up on that bun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated, by the way, so just dance for me. Miami. wrist. I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Oscana, mix en live. Fuck off. I